Ce n'est pas une idée, ce n'est pas imposé, pas plus un sentiment trouvé dans un roman, mais un sens inconnu et surtout qui m'élève sur un nuage dans le ciel. Elle est source d'eau pure, étanchant mes entrailles, elle atteste, elle conjure, elle tendresse, elle est il faut juste écouter et surtout se donner à son histoire, s'oublier, transverser les arguments, contourner les raisonnements, se jouer des apparences, car c'est elle qui sait. Ouais, ma foi, j'ai la foi, j'en veux pas, j'ai que ça, ouais.